fête, Chris, ma mère. Autant qu'il peut te faire du bien, l'amour t'a pas une entrailles. Un jour ou l'autre, je le sais bien. L'amour, c'est la plus belle chose au monde, mais fait du mal à trop de monde. J'espère un jour trouver une femme, c'est pas longueur. L'amour, fête, Chris, ma mère. Autant qu'il peut te faire du bien, l'amour t'a pas une entrailles. Un jour ou l'autre, je le sais bien. L'amour, c'est la plus belle chose au monde, mais fait du mal à trop de monde. J'espère trouver un jour une femme, c'est pas longueur. Je raconte ma première peine, elle s'appelait Hélène. Pour une drogue que j'aurais eu dans mes veines pendant plusieurs semaines, mais que je peux pas trouver sur le marché noir. Je remplace par de l'alcool, me tout la soirée passée. Me trouve tout seul, puis je vois noir. On dirait que je suis seul dans le noir. Je peux pas voir, je connais tes histoires. C'est terminé demain, à cette heure, je suis pris dans un isoloir. J'aurais pensé que l'amour était si chien. Pour faire plus mal qu'un coup de crêpe, c'est terminé de même bail. C'est fini, point, point final. J'ai mal, quelqu'un a tiré moi une balle. T'en es que les larmes coulent, t'en es que les joues servent de dalle. L'amour fait triste, ma mal, autant qu'il peut te faire du bien. J'aurais aimé continuer, mais ça l'aide, c'était pas ça mon destin. Maintenant, c'est la fin, je peux pas revenir sur la question. Elle est partie pour de bon, mais sans soleil que ma déception, soleil que mes émotions. J'ai plus quelle direction prendre. J'ai même songé que la solution serait de me pendre. Sinon, quoi faire à part pleurer. Chaque minute sera mémorée, chaque jour se levant. Croyant tout ça, je l'avais rêvé. Abandonné, décrissé, ça j'avoue, j'ai souvent pensé. Heureusement, mortienne, mes chums, puis le R.O.V. Quand dis, je m'en sortirai, si ça tue pas, ça rend plus fort. Donc, je fais l'effort, j'espère que ça arrive pas encore. L'amour fait triste, ma mal, autant qu'il peut te faire du bien. L'amour t'a pas une entrailles, un jour ou l'autre, je le sais bien. L'amour, c'est la plus belle chose au monde, mais fait du mal à trop de monde. J'espère un jour trouver une femme, c'est ma longueur. L'amour fait triste, ma mal, autant qu'il peut te faire du bien. L'amour t'a pas une entrailles, un jour ou l'autre, je le sais bien. L'amour, c'est la plus belle chose au monde, mais fait du mal à trop de monde. J'espère trouver un jour une femme, c'est ma longueur d'onde. Je cherche de l'amour, je me fais mal, même dans les bois d'une autre, je pense à elle. Je trouve pas la force de couper la ficelle virtuelle qui m'attache à elle, que je trouvais si belle. Elle qui fut ma première étincelle, elle qui m'a laissé des séquelles. C'est qu'elle ne sûrement pas m'avoir oublié. Mais comment je le sais quand ça fait si longtemps que j'ai pas parlé. Une histoire d'amour que j'oublierai sûrement jamais. La première la plus belle, pourquoi autant je l'aimais. Première baisse, première chicane, premier amour, première peine. La plupart des histoires finissent par la même rengaine. Chris, je comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Tout ce que je sais, c'est que nos chemins se sont séparés depuis ce temps-là. J'ai pris ma route, elle la sienne, puis sa vie, je peux plus m'en mêler. Et déjà avec un autre gosse, quand je comprends pourquoi ça chier. Je vais avoir appris à convier mon cœur à n'importe qui. Pour pas vivre ces moments qui font si mal, qui font que maintenant jaillit. Qui font que souvent je pleure. Qui font de jour en jour, y'a une partie moins qui meurt. D'heure en heure, sentir un gros vide à l'intérieur. Une grosse douleur qui donne l'impression de s'être fait arracher le cœur. Je trouve ça de valeur. La casteur est même fait peur. Faut que tu sues mon cœur. Ça cicatrise la fracture, même si ça m'écœure. Faut que je totalise la facture, mineure ou majeure. Tout le monde doit vivre une rupture.